voyons pas cul. On voit ça plus. Hip-hop non-stop, je lâche des flots de force. Du matin au soir, j'explose ton pauvre score. Je t'expose mes textes tordus du hors de porte et te laisse dans le faux et je reste fort. Yo, je lâche des 16 de dingue, du grand standing. En constante évolution, je suis comme transformé. Transcendé par la zik que je brise ces fils de piston. Et puis je prends des risques. Ghetto blaster, branché, je te transmets la force du master. Dérangé, j'ose le niveau de ma cosmo-énergie. Prono, il est vraiment temps d'émerger. Pas de speech, de pisse, j'vite, vite mon spirit et brise ton système. J'suis au tac et non-stop. Mon stock de flow élimine toutes ces grosses dobs. Non-stop, bercé par le hip-hop. Grosse cache sur les rimes chaudes. Danse graffiti, beatbox. Poursuit notre épaule. Castagne et frappe le Mac d'abord. On écrase, baffe les man comme Mac Tyson. Pas de rockstar. De femmes pour de grands cadors. V'là du haut de gamme qui débarque au perfort. Le pouvoir du beat sale. Non stop pour donner du fat. Pour les fans. Le vrai hip hop qui kiffe la bonne vibe. Sans faille, évite. Massaille, évite. Rafale de balle, mental unique. C'est avec humilité. On s'efforce à rassembler les gens pour une seule unité. Si t'es venu pour délirer, sur nos comptes c'est la chiffre du daron qui vient te réprimer et rendre. Car le crime ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on sent? Que ta meuf ressemble à Beyoncé. Pas de strass, de swagman, de sale face. On efface les rats qui nous parlent mal. Allez dégager. Non-stop, bercé par le hip-hop. Grosse cache sur les rimes chaudes. Danse graffiti, beatbox. Non-stop. Poursuit notre épaule. Non, stop. On poursuit notre épaule.